Unité 1. Activité 4. A comme arc. B comme bouche. C comme canal. D comme défense. E comme euro. F comme faubourg. G comme gare. H comme halle. I comme île. J comme joconde. K comme kiosque. L comme Luxembourg. M comme Montmartre. N comme Notre-Dame. O comme opéra. P comme Panthéon. Q comme quai. R comme Rivoli. S comme Sacré-Cœur. T comme Tour. U comme Université. V comme Versailles. W comme Wagon. X comme École X. Y comme Yves. Z comme zoo.